Nous sommes en studio, à Paris, en direct, avec notre invité, toute l'équipe autour de la table. Vous êtes chaud ? Oui ! Ouais ! Bon ben voilà. C'est dingue cette ambiance. Oui, oui, mais ça chauffe depuis le matin, parce qu'en conférence de rédaction, nous avons des débats, parfois houleux, sur des thèmes profonds. Vous voulez un exemple, Laetitia, ce matin ? Je vous suis là. Voilà, ce matin, aux alentours de 10h. Salut Charlie. Bon, on est prêt? Oui. Parfait. Qui est invité? Bernard Werber. Parfait. On a des sujets? Non. Ah voilà, comme d'habitude. Parfait. Alors bon, des idées peut-être? Ah, mais il y a un article dans Libé sur la discrimination des roues. Ah, non, c'est intéressant. Sérieusement, Mais oui, ils font des apéros pour se retrouver entre eux et en parler. Attention, on assiste à la naissance d'un communautarisme roux. Le mouvement va se radicaliser. Il va y avoir l'arrivée imminente d'un djihadisme au beurre. Ils vont faire des actions dans les Jean-Louis David de France. Voilà. Mais c'est un bon sujet. Oui, Bernard Werber, il aura des choses à dire. Mais il s'en fout, il est chaud. Peut-être qu'il était roux avant. Mais justement, ça va le déprimer d'en parler. Non, mais vous voulez pas comprendre, ces gens sont discriminés. Par qui? Mais c'est historique. Mais enfin, les roues, elles sont plus belles que les autres, en plus. Malgré tout, tu fais des vannes, alors. Mais je fais des vannes sur tout. Enfin, il y a deux semaines, t'as quand même fait une vanne sur le fait que les roues sentaient mauvais quand il pleut. Mais alors, Charline, j'ai pas d'odorat, j'en sais rien, moi, c'est pour rire. Eh ben, ça ne fait pas rire les roues. Mais qu'est-ce que t'en sais que ça fait pas rire les roues? Si j'étais roue, ça, par exemple, moi, j'aurais trouvé ça nul. Tu n'es pas de race rousse. Exactement. Et ça, c'est la manie perpétuelle, les blancs qui se choquent pour les noirs, les vannes qui se choquent pour les handicapés. Bon, mais vous savez quoi? Voilà, vous avez gagné, on prend pas ce sujet. Mais non, c'est pas ça. Vous êtes des radicaux du combat anti-roux, les Tariq Ramadan de la coloration, les Eric Zemmour du blond vénitien. Moi, je veux plus vous entendre. Voilà. Oh, mais attends. Mais Eric Zemmour, il est roux? Non, mais il sent mauvais. Ouais, c'est vrai. Même quand il pleut pas, d'ailleurs. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui fait l'actualité buissonnière. Et voici les trois informations qui vont faire le mur jusqu'à 18h. La France vit une lune de miel avec l'Arabie Saoudite. Manuel Valls y emmène les patrons du CAC 40 pour une diplomatie économique dans un pays qui pratique encore des exécutions publiques. Oh, attention chérie, ça va couper. La campagne présidentielle américaine se joue sur les smartphones. Quand le politicien français en est encore au blog, le politicien américain, lui, mise sur l'application Snapchat, où il faut être très bref, donc percutant. Fuck you! Yeah, that's my message to you. Fuck you and kiss my ass. C'est clair. Il manque 6 heures de sommeil par semaine aux Français. Comment ça se fait puisqu'ils travaillent que 35 heures semaine? Une étude précise même que les femmes manquent davantage de sommeil que les hommes. J'en peux plus. Je vais dormir comme une masse. Et je suis accompagnée de celui qui sera forcément percutant ce soir en jouant des cymbales au studio des Champs-Élysées. Oh. Alex Vizorek. Vous êtes bien aimé. Bonjour Charline Vanhoenacker. Le lundi, vous êtes enfant. Ah, alors une belle équipe. Parce que le mardi au vendredi. Mais non, le samedi, le dimanche. Là, vous vous reposez. Et là, regardez-moi cette belle équipe. Ils sont tous en forme. 17h20. En 2008, cet homme a joué dans Plus tard, tu comprendras d'Amos Gitaï. Et c'est exactement ce que je me dis quand je le vois se lancer dans une chronique. Plus tard, tu comprendras. Hippolyte Girardot, bonjour. Bonjour. De quoi va-t-on parler? Eh ben, je ne sais pas encore totalement. Voilà. Il y a plein de mots. Je pense qu'à un moment donné, ça va faire un sujet. Voilà, plus tard, lui-même comprendra. À 17h30, la tique du journalisme, puisqu'il se nourrit de la sève de ceux à qui il se colle, ou plutôt de ceux à qui il colle son micro. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi, je me suis rendu à l'ouverture du musée de la gendarmerie, figurez-vous. Il y avait plein de gens passionnés par les gendarmes. Ces gens étaient venus pourquoi? Ben, d'abord parce qu'il fait beau et c'est gratuit. Voilà, il n'y a pas que la passion des gendarmes, il y a plein d'autres choses. Et à 17h40, souvent on dit qu'on garde le meilleur pour la fin. Avec lui, c'est pas toujours vrai puisqu'il met souvent le meilleur dans le jingle du début. C'est Thomas VDB. Absolument. Est-ce bonjour qu'il y a Alex. Du jingle déjà? Il y a évidemment du jingle. Ouf. Qu'est-ce qu'on va chanter aujourd'hui? On va beaucoup, beaucoup chanter. Et je vais parler du lien qui existe entre la musique et la bonne humeur. Alors, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais comment va-t-il nous parler de ça? Et je viens de relire mon papier. Je me demande moi aussi comment je vais parler de ce sujet. Voilà l'équipe. Ça me paraît bien embarqué. Si vous avez des réclamations, si tu écoutes, j'annule tout et sur les réseaux sociaux, oui. Comme Donald Trump, nous sommes sur Twitter et Facebook, pas encore sur Snapchat. Mais bon. ne saurait tarder. Aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous De Gaulle. Vous êtes journaliste scientifique au Nouvel Observateur en 83, c'est l'année où les chercheurs découvrent le virus du sida. Vous publiez Les fourmis en 91, quand Le silence des agneaux sort au cinéma. Et votre film Nos amis les terriens est sur les écrans en 2007, quand Michel Platini devient président de l'UEFA. Oh. Ça me fait mal de le dire. C'est pour rien. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Content d'être là. Et... C'est déjà pas mal. Bien joué. Bernard Werber. Oui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Alors bonjour, content d'être là Bernard Werber, merci d'être avec nous. Vous publiez un roman, Le sixième sommeil, c'est publié chez Albin Michel. Votre héros s'appelle Jacques Klein. Et le sommeil, c'est toute sa vie. C'est même sa famille. Sa mère, en tout cas. Sa mère est spécialiste du sommeil, médecin. Son père navigateur. Donc, on sait que les navigateurs ont un rapport au sommeil très particulier. Ils doivent essayer de dormir une heure et demie pour pas se percuter les icebergs ou les grands cargos. Une heure et demie qui est un cycle. Oui, parce complet. Que, 90 cycle, minutes. Voilà. Les cinq phases. Sauf que dans votre roman, il y a une sixième phase. C'est-à-dire qu'on pousse le sommeil au-delà du sommeil paradoxal. Donc, tout votre livre est vraiment baigné dans le sommeil. C'est l'expérience. Exploitation de l'angle mort de la vie, en fait. Pour moi, le sommeil, c'est un continent à explorer. Je crois que bientôt, on apprendra aux enfants à bien dormir. On apprendra à l'université peut-être à faire du rêve lucide. Et on apprendra peut-être ensuite aux artistes à rêver et leurs rêves se projetteront sur des cinémas. Je crois que l'invention du cinéma onironautique que j'évoque dans le sixième sommeil est une invention qui n'est pas aussi délirante qu'on le croit. À un moment, on pourra mettre des capteurs sur le cerveau et recevoir une image qui pourra être projetée et visible par tous. Ça craint un petit peu. Parce que, ouais. Ah, évidemment, il y aura des bons rêveurs, voilà. Il y aura des rêveurs fantasmatiques étranges. Ouais. Mais quand j'ai découvert ce sujet, je m'attendais à trouver quelque chose d'extraordinaire. Et au fur et à mesure que j'avançais dedans, je me suis dit, c'est incroyable. On passe un tiers de notre vie à dormir, et ce tiers est considéré comme perdu, alors que c'est peut-être le moment le plus intéressant de notre journée. Quand vous dites, je me suis intéressé au sujet, excusez-moi, c'est vous choisissez un sujet aussi pour vous découvrir des choses, quand vous vous dites, allez, je m'attaque à ça. Oui, parce que je suis resté un an avec un sommeil difficile, et je me suis dit, tiens, je vais profiter du fait que j'ai un petit souci pour faire ma doc, et probablement faire un roman sur mon petit souci. Vous l'avez mesuré d'ailleurs, votre ouais. sommeil, quand il était difficile, et votre héros, donc Jacques Klein, il revient dans les rêves du Jacques Klein qui a 28 ans, alors même quand il est plus âgé, enfin c'est un livre de science-fiction, donc c'est un peu compliqué. Non, il arrive en rêve à faire ce qui n'est pas possible techniquement, à savoir voyager dans le temps. Et il rencontre l'homme qu'il va devenir, mais il peut aussi rencontrer l'homme qu'il a été. Donc c'est une manière de se réconcilier avec l'enfant qu'on a été et le vieillard qu'on va devenir, mais dans le monde des rêves. Et là, il reçoit en effet des conseils, c'est non plus les conseils de son père ou les conseils d'un sage, il reçoit les conseils du type qu'il va être dans 20 ans, qui lui dit surtout, il faut que tu sois bien attentif et il ne faut pas que tu fasses de conneries, sinon je ne pourrais pas être comme je le suis actuellement. Et donc le sommeil conditionne toute sa vie parce que son père qui est navigateur meurt. Parce qu'il s'est endormi un peu trop longtemps. Ah oui, c'est ça peut arriver. Il y en a beaucoup qui sont morts en s'endormant, des navigateurs. Sa mère a une forme de sommeil un peu spéciale. Elle est somnambule. Elle finit par faire des croque-monsieur avec des DVD parce qu'elle est somnambule. c'est vraiment arrivé. Il y a des somnambules. On est en train de découvrir qu'il y a la boulimie. J'ai écouté une fois, c'est bon ça. Ça dépend du film. Il y a la boulimie somnambulique, c'est-à-dire c'est des gens qui descendent, ils comprennent pas pourquoi ils grossissent alors qu'ils mangent pas. Mais en fait, en état de somnambule, ils descendent à la cuisine et se préparent des plats qu'ils mangent et qu'ils oublient. Mais donc là, c'est un cas réel qui est arrivé, c'est une femme qui se préparait des sandwichs avec des DVD. Donc elle mettait un DVD, du fromage, une tomate, un autre DVD et le tout au micro-ondes. Et là, ça a explosé parce qu'il y a un peu de métal dans les DVD. Et c'est son fils qui est arrivé et qui a vu cet étrange sandwich moderne en train d'exploser toute la cuisine. Donc ce que vous racontez dans le livre, c'est tout à fait véridique. Il y a des expériences, ça a inspiré d'expériences de témoignages. Le réel est extraordinaire. Vous savez, quand vous essayez d'imaginer des trucs dingues, vous êtes toujours en dessous du réel. Et même quand je parlais de la tribu des Sénoï, elle existe réellement. C'est un peuple qui a consacré sa vie à comprendre le sommeil et c'est un peuple primitif qui vit dans la jungle. Voilà, et la mère du héros se retrouve en Malaisie pour étudier cette tribu qui passe son temps à dormir, qui dort éveillé en fait, c'est ça. Qui pratique le rêve lucide. C'est-à-dire que par exemple, si un type rêve qu'il tue quelqu'un, il doit s'excuser au réveil auprès de cette personne. S'il rêve qu'il couche avec la femme d'un autre, il doit faire un cadeau au mari cocu plus un cadeau à la femme avec laquelle il a fait l'amour. Et en fait, on considère coup. Ouais. Et on considère qu'il devient adulte quand il arrive à faire l'amour en rêve avec une femme ou quand il arrive à tuer un jaguar en rêve. Donc le monde rêvé, onirique, est plus important que le monde réel. Tout ce qui se passe dans le monde réel, d'ailleurs, n'a aucune importance pour les Sénoïs. Et comme par hasard, c'est un peuple qui est très pacifique, qui n'a pas de fous et qui vit très très bien. Mmh. Donc tiens, ce qui veut dire que la maîtrise des rêves est une manière d'être heureux. Oui, et c'est d'ailleurs le sommeil est la clé de tout le mal-être du personnage qui peut trouver des solutions dans le rêve accompagné, etc. Voilà, il apprend. C'est le rêve d'initiation, c'est quelqu'un qui ne sait pas dormir et qui ne sait pas rêver, qui à la fin va devenir un super dormeur, un super rêveur. Et pour lui, tous les soirs, c'est la fête, parce qu'il sait quand il ferme les yeux, il va s'envoyer un super film et il va s'éclater. Donc je vous conseille, si jamais vous êtes insomniaque, n'hésitez pas, le sixième sommeil roman, ça peut vous donner de l'espoir. En tout cas, je crois que les gens qui dorment bien sont les gens qui réussissent tout. Et ceux qui dorment mal, il y a beaucoup de catastrophes qui sont dues au fait de gens qui dorment mal. Napoléon, qui était un insomniaque, a fait passer ça sur le fait qu'il dormait peu, mais en fait, ça l'énervait de ne pas pouvoir dormir et du coup, il a envahi l'Europe. C'est peut-être pas un hasard. Oui, alors surtout dormez bien, braves gens. Tout le monde au lit, là. C'est Bernard Werber, le sixième sommeil, paru chez Albin Michel, et on aura l'occasion d'en reparler avec le troisième sujet. On a choisi une étude parce que le sommeil, c'est un sujet qui passionne les Français, qui passionne beaucoup de gens en général, oui, c'est oui, normal. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you. Let me see, Sunny. Thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny, Sunny one so true. I love you. Sur France Inter. Et autour de la table, une équipe très masculine. Dans l'ordre d'apparition, Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice, Thomas VDB et notre invité. On ne vous a pas demandé, en fait, Bernard Werber, vous allez mieux avec votre sommeil ? Oui, oui, ah, ça va, là, je suis rassuré. Depuis que j'ai sorti le livre, ça va. Ça vous a épuisé. Maintenant, je peux avoir un autre problème qui me servira de thème pour mon prochain livre. Mais en fait, peut-être que chaque livre, en fait, c'est un problème qu'on règle. Le priapisme, donc le thème. Voilà. Il est un endroit où il y a beaucoup de problèmes, c'est le monde. Alors, informons-nous. Oui, travaillons. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. On parlera élections américaines, car quand chez nous tout va mal, on regarde ailleurs. Et quand ailleurs tout va mal aussi, eh bien ça nous rassure. Coupe du monde de rugby, les Français ont perdu contre l'Irlande. En quart de finale, ils joueront donc contre les Néo-Zélandais. Nadine Morano ne sait pas encore quelle équipe elle va supporter, puisqu'elle a dit « j'ai une très bonne amie All Black ». Et on finira par un happy hour de brève, puisqu'il y en a plus que d'habitude, mais pour le même prix. Et on commence par la pluie et les inondations dans le sud. Il y a encore 4 départements sous vigilance orange. Oui, et méfiance, hein, ça ne devrait pas s'améliorer puisque Véronique Sanson sera en concert à Marseille et à Montpellier dans les jours qui viennent. Et c'est bien le comble que ce soit de l'eau qui lui tombe dessus. Voilà, politique. Emmanuel Macron s'est lancé dans la citation pour la Dépêche du Midi et il dit citer Mao qui affirmait, donc je cite, qui le cite. Très bien. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrape des souris. Voilà, sauf que le lab a vérifié qu'en fait, c'est de Deng Xiaoping. Voilà, pour une fois qu'il voulait citer un communiste, paf, c'est pas le bon. Voilà, et pour lui, tous les gens de gauche, c'est tous les mêmes. États-Unis à présent, les élections se jouent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Obama sur Facebook, Donald Trump sur Twitter et désormais Ron Paul sur Snapchat. Voilà, en France, ça pourrait venir. Hein. On aurait Dominique Strauss-Kahn qui mettrait son profil sur Tinder et Arnaud Montebourg qui mettrait son CV sur LinkedIn. Et Alain Juppé qui mettrait son programme sur 3615 Les Républicains. Voilà, quant au contenu de cette élection américaine. Bien, Barack Obama pense que s'il pouvait se représenter pour un troisième mandat, il serait réélu. Sauf que c'est pas possible, évidemment. Ben voilà, moi-même, je pense que je pourrais être élu Miss France si j'avais le droit de me présenter. Oui, enfin, malheureusement, il y a une caractéristique qui vous élimine, c'est Alex. C'est ça, j'ai déjà fait des photos nues. Voilà. Sport à présent avec la Coupe du Monde de rugby. Oui, la France s'est fait étriller par l'Irlande et on se rend sur place à Cardiff avec notre envoyé spécial Guillermo Meurice. Ça déjoue. Bonjour à tous. Ouais, je peux pas vous laisser dire étrier hein, car le score n'est pas du tout représentatif à fin de demi-match de la beauté des athlètes, de la psychologie de l'Ovalie. Alors bon, c'est vrai, ils ont marqué deux fois plus de points. Ah non, je vous coupe. 9 à 24, ça fait un peu plus que juste le double. Oui, je veux dire, on a été généreux en dépit d'une qualification déjà acquise, mais surtout, on avait envie de jouer les Blacks. Ah, voilà. Bon, ça va quand même être difficile ce match. Oh, écoutez, on va pas se laisser impressionner par un pays dont l'animal totem, c'est le kiwi. Oui, c'est un oiseau qui ne vole même pas. Voilà, ça c'est ça, comme le coq. Merci Guillermo, Meurice Adéjou. Télévision, sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi soir, Michel Drucker a traité un journaliste de, je cite, gros con, fin et citation. C'est historique, hein, il s'agit du premier homme que Michel Drucker n'aime pas. Oui, une belle histoire à présent. Oui, sans le vouloir, un homme pirate le compte Facebook d'une inconnue et 5 ans plus tard, ils se sont mariés. Comme quoi, on risque tous de tomber amoureux d'un agent de la NSA. C'est vrai, aux États-Unis toujours. Une femme a su maîtriser un cambrioleur en se servant de techniques de combat médiévales. Donc ça, ami cambrioleur, évitez de vous attaquer à l'appartement de Stéphane Bern. Et on termine par le papa de Justin Bieber qui s'est fait railler sur la toile après avoir tweeté qu'il était fier de la taille du sexe de son fils. Voilà, l'occasion pour moi de remercier mon papa pour son humilité, sa discrétion ou tout simplement sa gêne. Voilà, bon, on va pas rester là-dessus. Non. Vous en avez une dernière pour qu'on oublie celle-là. Voilà, une dernière, bref. J'ai mon dernier co-auteur qui m'a envoyé celle-ci. Crise de somnambulisme, elle met au micro-ondes des croque-monsieur au DVD. Vous êtes sur France Inter, dans Si tu écoutes, j'annule tout. Nous sommes en compagnie de Bernard Werber. Il publie Le sixième sommeil chez Albin Michel. On va en parler avec vous tout à l'heure. En attendant, on va déjà aborder le premier sujet d'actualité. Manuel Valls est en tournée au Moyen-Orient. Aujourd'hui et demain, il est en Arabie Saoudite avec dans ses valises 128 chefs d'entreprise pour évoquer les droits de l'homme. Mais non, je déconne. Avec les Saoudiens, le Premier ministre parle de gros contrats. Ah, c'est un homme qui a la légalité dans le sang. Si les Chinois débarquaient, ils seraient mandarins. Si les nègres prenaient le pouvoir, ils se mettraient un os dans le nez. Si les Grecs... Oui, enfin, passons. C'est du Audiard, c'est un taxi pour Tobrouk, qui était d'ailleurs diffusé hier soir sur Arte. Alors, c'est une idylle économique entre la France et l'Arabie Saoudite. 2 jours seulement, mauvais timing, 2 jours seulement après la journée mondiale contre la peine de mort. C'est dommage. C'est cadeau. Alors, on se dit quoi quand Manuel Valls, après François Hollande, hein, qui est allé en Arabie Saoudite il n'y a pas très longtemps, maintenant c'est la tournée de Manuel Valls, tournée de Mistral, de Rafale, de tout ça, bon voilà. Alors, on se dit quoi, tant pis pour les droits de l'homme, tant mieux pour l'économie française. De quel œil vous voyez ça, Bernard Werber? Ce que je trouve surtout extraordinaire, c'est qu'on va lui vendre une centrale nucléaire. Et moi, je suis toujours étonné de voir ces pays exportateurs de pétrole, donc qui ont l'énergie à revendre, qui se disent, tiens, il nous en manque encore un tout petit peu pour bien éclairer les ampoules. Il nous faudrait en plus une centrale nucléaire. Dans une région quand même qui n'est pas... on va dire pacifique, mettre une centrale nucléaire, ça m'a l'air un tout petit peu dangereux. Les panneaux solaires, ça aurait été bien pour la Russie. Oui, ils ont du soleil en plus. Bah oui. Alors, donc, on vend notamment des transports et de l'énergie. Alors, il y a un petit peu d'Airbus, il y a un petit peu d'Alstom. Et le tramway, c'est vrai, c'est plus écolo pour aller voir des gens se faire décapiter, finalement. Non. Sinon, il y a un peu de Veolia pour le traitement des eaux. Des eaux EAUX, hein, pas des eaux OS. D'accord. Voilà. Alors, c'est la plus... Il y a un petit peu plus, je vous le mets quand même. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la plus grosse délégation française en l'Arabie Saoudite depuis 10 ans. Nicolas Sarkozy, lui, misait davantage sur le Qatar. Vous, en tant que Français, est-ce que ça vous blesse un peu de voir que la France s'essuie un peu les pieds sur ses valeurs des droits de l'homme au profit de l'économie? Est-ce qu'il y a un côté de vous qui est blessé et un côté de vous qui est pragmatique? Non, ça fait longtemps qu'on fait de la diplomatie à géométrie variable en fonction des intérêts économiques. Maintenant... Cet étendard, là, il est dépassé? Ouais, non, ce qui se passe, c'est que là-bas, ça va être difficile, un, de pacifier, deux, de faire la morale, trois, en plus, ils ont les sous et nous, on n'en a pas. Donc, il y a un moment, ça oblige à faire, je pense, des concessions. Mais c'est vrai que c'est le Moyen-Âge encore, c'est-à-dire qu'il y a des exécutions publiques. Ne dites pas ça, on va perdre des contrats. Si vous nous écoutez, c'est très bien. C'est vos traditions, vous décapitez des gens. Oui. 130 exécutions prononcées en Arabie Saoudite depuis le mois d'août. Mais faut voir ce qu'ils avaient fait, les gars. Il y en a un qui a volé une pomme et tout. C'est dégueulasse. C'est vrai, quoi. Oui. Contre 90 en 2014. Donc le chiffre, la courbe est inversée. Donc eux, ils inversent la courbe des exécutions quand même. Mais je veux dire, quelque chose qui progresse. Voilà. Et puis il y a toujours ce jeune opposant chiite en sursis, pour lequel Manuel Valls s'était exprimé avant son voyage, mais pendant ça. Bah non, parce que sinon, c'est une. Bah, non, c'est parce qu'il avait, oublié. Ça pas. Alors on vend pas les Mistral à Poutine à cause de la crise ukrainienne, mais on fait affaire avec l'Arabie Saoudite. Donc il y a des régimes autoritaires. Oui. Ceux qui ont le plus d'argent décident de la loi. Ouais. C'est comme au poker. Celui qui a le plus de sous, mise. C'est magnifique. Thomas VDB, vous avez un avis sur la question? Vous êtes choqué dans votre intérieur? Non, bah oui, moi je suis choqué. Je suis, disons que je me disais, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas eu l'idée d'en parler, Manuel Valls, mais peut-être il l'avait oublié. Oui, il avait noté. C'est peut-être de parce que tu sais qu'il y a un côté un peu tête de linotte, des fois, Manuel Valls. Il avait encore oublié d'en parler. Il m'a zut, et en revenant par où il avait dit, j'ai oublié d'en parler. Flûte, il avait dit. Hippolyte Girardot, vous. Oui, non, c'est des marchands, ils font la collecte. Comme ça, ils vendent leurs trucs, ils font la collecte. Ils sont tellement petits, quoi. Je trouve que emmener 128 personnes en Airbus pour ça, je trouve que c'est vraiment du temps perdu. C'est des patrons. Ouais, c'est des franchement, patrons. C'est du temps perdu. Ça ne sert à rien. Mais si l'avion s'écrase, ça sera du temps gagné pour eux. Ça soulève pas votre indignation. Vous êtes pas. C'est même pas une question d'indignation. Je pense que même vendre, même le truc économique n'est qu'une mascarade par rapport à ce qui se passe derrière, qui est que de la géopolitique. C'est-à-dire, il faut que l'Arabie Saoudite soit très forte. Pour protéger l'intérêt occidentaux au Moyen-Orient. Alors, il y a la diplomatie économique, il sera aussi évidemment question de diplomatie tout court et de la Syrie, de l'Iran, etc. Mais surtout de vendre des choses. Écoutez, il y a des mallettes qui sont prêtes, des mallettes. Contrats. Des mallettes. Il faudrait passer un coup de fil à Roland Dumas. Il doit avoir un bon avis sur ce genre de négociation. Bonjour, on préfère à cette heure-ci sur France Inter donner la parole à Hippolyte Girardot. Ah, oui, c'est l'heure. Alors, les mots se sont mis dans le bon sens. Ouais, je crois. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais. C'était mon anniversaire il y a pas longtemps. Cher Thomas, c'était terrible. Puisque grâce à votre chronique de lundi dernier, on n'a pas arrêté de me chanter joyeux anniversaire, histoire de bien célébrer la gratuité de la chanson passée désormais dans le domaine public. C'est vrai. Alors pour un oui, pour un non, c'était joyeux anniversaire et joyeux anniversaire. Dès que c'est gratuit, c'est dingue, les gens se lâchent, c'est formidable. Alors moi j'avais l'impression de me prendre un an tous les quarts d'heure. Quand j'ai terminé la soirée, j'avais 110 ans. Alors évidemment, comme je n'ai pas réussi à atteindre le sixième sommeil, c'est-à-dire le nirvana apparemment, celui de tous les possibles, hein, comme dit notre invité, moi à 110 ans, je suis juste vieux, voilà. Vieux mais pas inutile, me disais-je, en respirant à travers un casque, l'oxygène de ma jeunesse. Je me suis dit, je dois me considérer non pas comme un déchet, un résidu, comprendre que ça n'est pas un dû de durée, mais un combat, une lutte pour non seulement ne pas déchoir, mais remonter, se renouveler, renaître et donc se recycler. Et quoi de mieux que le site de la COP21 pour s'informer sur le recyclage? Tout le monde est là. J'avais pensé aussi à un site d'un parti politique, n'importe lequel, parce qu'au niveau recyclage, ils sont assez forts, non? Quand je pense que Juppé, aujourd'hui, est le révolté de la droite, moi, j'en reste quoi? Bon, bref, donc, la COP21. Alors voilà. Il va falloir que ça marche, hein, ce truc. Parce que leur site, au niveau créativité, t'as juste envie d'aller voir celui des pollueurs, des salopards qui nous massacrent nos corps depuis des décennies avec leur truc endocrinien, là, pour voir si c'est pas mieux foutu. Parce qu'il y a un truc en France, en général, je trouve, c'est incroyable. Il y a un truc, comment dire, il y a un truc con. En fait, juste con. Il y en a pas qu'un. Non, mais écoute bien. Ouais. Pas penser. D'y réfléchir, tu vois, il y a la bonne idée, même le bon sentiment, et au final, c'est un peu con. Mais moi aussi, hein, je me mets dedans, évidemment, hein. Désolé, Charline. J'essaie toujours de me conformer au mantra de l'émission du contenu, mais moi, j'ai juste l'impression d'être un con pas du tout tenu, franchement. Néanmoins, je clique sur recyclage, je suis curieux et bon esprit, mais si Guillaume, tout le monde n'est pas comme toi, les touches de mon ordi me sont tombées des doigts. Mais c'est un catalogue d'objets fabriqués à partir des bouteilles de plastique, des boîtes de conserve en alu, voire même des décapsuleurs de canettes. On se croirait à l'atelier fête des mères de l'école maternelle. Genre collier de nouilles, cadre en bout de bois récupéré et vase en papier très très mâché. Comment vous dire, ça n'avait pas envie ce recyclage-là. On a le sentiment que ça va faire une merde de plus qu'on va jeter à la poubelle. Hein. Remarque, ils pourront toujours la recycler. La poubelle, en tout cas. Parce que le recyclage, c'est ça. On sait d'où on part, mais pas tellement où on arrive. Comme la COP21. On démarre. Conférence mondiale sur le climat, histoire de sauver la planète, ses milliards d'habitants. On donne un nom de film de flic au truc, histoire de dire qu'on va pas rigoler. Et on tombe sur le catalogue des trois Suisses de 1965. Make my day, COP21. Très vieux, soudainement. Je vais prendre un café avec une copine qui me file le flyer pour l'inscription à l'université de Rocco Siffredi. Ah oui, on en a parlé. Je sais pas trop le message derrière le message, mais bon, je me renseigne. Alors là, pardon, mais là... Là, c'est du recyclage. Rocco Siffredi, les belles heures de Canal, quand Canal faisait cric-cric-cric sur la télé en noir et blanc du gardien de parking dans les années 80, eh ben, Rocco a ouvert une université, le Siffredi Art Academy. Donc, de star absolue et convaincante du X, il veut devenir un professeur émérite, avoir une chaire sur la chair. Il veut apprendre à ses étudiants, sélectionnés après des épreuves et des tests, à sublimer leur talent naturel, je cite, « depuis la façon de se positionner face à la caméra », face à la caméra, jusqu'aux techniques de diction. Oui. Alors j'en vois qui rit autour de moi parce qu'apparemment ils ne savaient pas qu'en matière de cul, la diction c'est fondamental. Mais c'est comme ça. Donc ce Rocco inventif, entreprenant, en un mot recyclé, devrait être un exemple pour nous tous. Et d'abord évidemment pour moi, qui sait, qui n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de se recycler en collier de coquillage. Mais non, il fallait Girardeau. Qui a imité le collier de coquillage. Oui. Je crois que tu l'as reconnu tout de suite. C'est le tri du collier de coquillage. Le soir à la lune. Bernard aussi. Voilà, on l'a reconnu tout de suite. Hippolyte Girardeau, merci. On est en compagnie de Bernard Werber. Et on va retrouver dans quelques minutes Guillaume Meurice. Ah bon? Et puis tout à l'heure Thomas VDB. Eh ouais. Allez voir là-bas si j'y suis, dans les rues de Chelsea. Fuir les fantômes, l'insomnie qui sévisse à Paris. Dans un hôtel de Nolita, j'ai posé mes valises. Je ris, je chante, je danse, je bois et je dédramatise. Les joues pétillent comme du soda, l'inconnu m'électrise. Seul dans cette ville à la polka, diurne je cicatrise. Sans baisser par moi si fragile entre. L'échappée belle. L'échappée belle, c'est jusqu'à 18h sur France Inter. C'est Bernard Werber qui a tout annulé pour venir parler avec oui. nous. Le sixième sommeil, son roman chez Albin Michel. On a l'occasion d'en reparler tout à l'heure parce qu'on a choisi un sujet sur une étude sur le sommeil. Parce qu'on est, on est près des chiffres en fait, aussi. Il a juste annulé une sieste. Annulé ma sieste. Et le week-end, il travaille aussi. Emmanuel Macron oui. serait fier de lui. Le moment Meurice, c'est maintenant et c'est dans un endroit que vous affectionnez. Ah oui, tout particulièrement. Je vais vous parler du citoyen français aujourd'hui et de son rapport au masochisme. On le connaît, hein, ce rapport. Le citoyen français qui gueule contre la pollution et la baisse de son pouvoir d'achat, mais qui prend sa Kangoo Diesel pour aller gratter un morpion. Hein, on connaît ça. Je parle du jeu, hein, Gérardo, pas de vos problèmes personnels. On a eu des plaintes de stagiaires. Je sais que vous êtes de gauche, mais il y a des limites au partage, d'accord ? Le citoyen français, donc, qui gueule contre le déclin de la civilisation et les gens trop bronzés, mais qui regarde sur Énergie 12 les émissions de Jean-Marc Morandini. On le connaît. Le citoyen français qui gueule contre les flics et qui, samedi, était venu en famille à l'ouverture du musée de la gendarmerie à Melun. Et comme je suis français, eh ben j'y étais aussi. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment essayer de réconcilier les Français avec la gendarmerie. C'est important. La bonne personne. Mais oui, vous savez, moi je suis pour la paix sociale, qui plus est avec des gros cons. Des gros convoyeurs, excusez-moi, c'est sur votre page, excusez-moi. Des gros convoyeurs d'ordre public, oui, pardon. Pardon. Les Français étaient venus donc nombreux rendre hommage, mais à qui demandons à une visiteuse. À la grandeur des militaires français, tous ces acteurs qui dans le temps s'occupaient de l'Afrique, mais qui après ont permis l'indépendance à ces pays-là. Mais attendez, les gendarmes ont permis l'indépendance ? Mais en quelque sorte, il y avait quand même des représentants de la nation française qui étaient par exemple en Algérie à l'époque. Je trouve que c'est des belles pages d'histoire qu'on peut tourner ici. Alors effectivement, hein, on peut tourner des belles pages d'histoire, mais il faut les lire avant, hein, sinon ça ne sert c'était à rien. Avant la visite de la madame ou après non, la visite. Non, c'était pendant. Elle était en pleine visite au moment de la décolonisation. Parce que bon, des gendarmes qui aident à la décolonisation, hein, même dans Oui Oui et le général Bijard, ils n'osent même pas aller jusque-là, les gars. Bon. D'ailleurs, pour ne pas dire de bêtises, allons voir directement un historien. Alors son prénom, c'est Louis Napoléon. C'est pour vous dire à quel point il est historien. Ça sent même la famille d'historiens un peu limite. Comment on va l'appeler, le petit ? Oh, je sais pas, j'hésite entre Louis-Napoléon et Clovis-Adolphe. Bon, il a échappé au pire, le gars. Louis-Napoléon, il s'est occupé d'une partie du musée consacrée au rôle des gendarmes durant la Première Guerre mondiale. Et ils ont joué un rôle important, nos futurs nouveaux amis, notamment auprès des déserteurs. Au fil de la guerre, il y aura jusqu'à 80 000 déserteurs. Donc vous avez ici plusieurs documents. Ça, c'est le carnet d'un gendarme qui a noté tous les déserteurs qu'il a arrêtés. C'est pas seulement un tableau de chasse, hein, c'est aussi que chaque arrestation lui vaut une prime de 25 francs. Voilà. Donc la tradition française de la délation vient de là. Non, c'est pas de la délation. Non. Mais ça y ressemble quand même vachement. Disons que c'est une liste de gens qui veulent pas mourir et que les gendarmes aideront donc tout naturellement à faire fusiller, hein, bien évidemment. Alors là, du coup, je sens bien que j'ai pas le bon exemple, hein, pour vous faire aimer les gendarmes. Essayons autre chose. L'humour. Ça devrait vous parler. L'humour. De gendarmes. Avec une pièce rare. Le menu d'un gendarme qui avait convié ses amis à dîner. Et vous voyez que le menu est truffé de jeux de mots. Donc, par exemple, moulin à vent comme boisson. Mais ce n'est pas le moulin à vent, c'est moulin à l'avant, orthographié. Ah oui. Évidemment, c'est son moteur. Bon, oui, c'est l'humour de gendarme. Quand même. C'est l'humour de gendarme. C'est excellent. Vous avez pigé ou pas ? Moulin à vent, le moteur, et c'est le vin aussi, c'est excellent. Ok, bon, alors je ne vous sens pas convaincu sur l'humour non plus. Quoi faire d'autre ? Alors essayons un aspect encore plus sympathique du gendarme. Corvée de Pinard, vous voyez qu'ils remplissent des seaux de 10 litres. Hein, pour une escouade, c'est quand même pas rien. Alors ça n'a pas changé. Le gendarme boit beaucoup aujourd'hui. Bah là, c'est pas ce que je dis. Sûrement, il boit beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que le gendarme brutal, vous allez voir qu'il a quand même une vie très difficile, moralement, parce qu'il n'a aucun ami nulle part. Et voilà, il n'a aucun ami. Et donc, il boit. Ça devrait vous parler, ça, Vizorek. Vous devriez être en empathie avec le gendarme. Non, toujours pas. Bon, alors, dernière chose pour vous faire aimer les gendarmes. Le gendarme, il a cette faculté à se remettre en question. Hein, c'est vrai que c'est ça qu'on aime chez lui. Moi, j'ai bien lu le dossier de presse du musée. Hein, c'est marqué, c'est surligné. Le musée bannit la géographie au profit de la véracité historique. J'avais donc une question directement pour la directrice du musée, le capitaine Elinor Boularan. Bon, est-ce qu'il y a une partie qui est réservée aux bavures policières ? Ah non, il n'y a pas de partie réservée aux bavures policières, parce que déjà, il faudrait les répertorier. Ça ferait un travail en plus. Donc, c'est une question de travail uniquement ? Non, pas forcément. je sais pas quel serait l'intérêt de faire une partie comme ça. Parce que j'ai vu sur le dossier de presse, c'est marqué qu'il y avait un attachement à ne pas faire d'hagiographie. Oui, et un attachement à la véracité historique. Ça fait partie aussi de l'histoire de la gendarmerie. Ah oui, bien sûr. Après, le parcours, il fait 1200 m2. Donc, il est petit. Donc, c'est vrai qu'on a fait des choix. Mais oui, il faut faire des choix. C'est ça le problème. Bon, là, ils ont plus axé sur le rôle du GIGN que sur celui des coups de bottin dans la gueule ou des grenades tirées dans le dos. Mais c'est un choix. Et puis, bon, c'est un problème d'espace. Et puis, en plus, après. Après, les bavures judiciaires, je sais pas si ça peut faire vraiment un événement historique. Policière. Oui, policière, pardon. D'ailleurs, bavure policière, hein, c'est pas des bavures de gendarmes, moi je n'ai que ça à dire. Bon, écoutez, si elle a que ça à dire, on va s'arrêter là. Moi, j'aurais fait le maximum pour vous faire aimer les gendarmes. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je vous laisse, je vais aller continuer à gueuler contre les flics. Et si vous m'emmerdez, j'irai porter plainte à la gendarmerie. Merci Guillaume Meurice. Ça vous tenterait d'aller visiter le musée de la gendarmerie, Bernard Werber? Tel qu'il l'a présenté, là, j'hésite un peu. Mais je crois quand même qu'ils font un bon boulot, les gendarmes. C'est nécessaire. Ça me fait plaisir qu'il y en ait un qui le dise. C'est table et c'est vous. Il y a des PV à faire sauter. C'est pas les gendarmes qui mettent les PV. Hein. En janvier, ils étaient encore portés au nu. C'est la police municipale aussi, oui. Ah oui, mais en province, on est beaucoup écoutés en province, vous savez. Guillaume Meurice, en janvier, ils étaient encore portés au nu, les forces de l'ordre. Oui, on leur faisait des bisous et tout. Oui, on leur faisait des bisous. On avait oublié que c'était des... Mais on vous manquait maintenant. Vous êtes sur France Inter, vous l'avez deviné, jusqu'à 18h. En compagnie de Bernard Werber, on va aborder le deuxième sujet. Les prétendants à la Maison Blanche misent à fond sur Twitter, Facebook et même Snapchat. Le blog, apparemment, c'est déjà ringard. 2016 sera l'élection des smartphones, en tout cas aux États-Unis. Il faut être de plus en plus concis, voire lapidaire. En France, on n'en est pas encore là. Il faut dire qu'on part de loin. Écoutez Nicolas Sarkozy sur le discours politique il y a 25 ans. J'ai une écriture très laborieuse, très laborieuse. Donc pour moi, c'est un peu prétentieux d'écrire quand on non. Oui, tout à fait. C'est tout à fait cela. C'est une volonté de me prouver que je suis capable d'écrire autre chose que des discours. Donc d'une certaine façon. Ah, parce que vous écrivez vos discours. Oui, j'essaie. Je préfère. Vous êtes sincère. Vous êtes quasiment le seul. Non, franchement, j'écris pas tous mes discours. Mais en tout cas, quand. Pourquoi? Parce que je crois. On parlait tout à l'heure de publicité, de look. Moi, j'en suis resté à Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les mots pour le dire viennent aisément. On est plus facilement bon quand on a quelque chose à dire, quand on n'a rien à dire. Je crois que c'est plus facile d'identifier les choses. Voilà, comme quoi il a vraiment changé. Il était calme. Là, il a changé. Il était hyper calme avant. On a presque du mal à reconnaître sa voix. Oui. Ouais. C'était en 90 chez Catherine Sellac, Nicolas Sarkozy dans Sucré Salé. C'était l'émission de Catherine Sellac à l'époque. Alors, Bernard Werber, vous avez été en France parmi l'un des premiers à écrire sur traitement de texte, Word, ordinateur. En tout cas, dans un milieu des écrivains qui est peut-être. Oui, qui était à la plume au parchemin. C'est vrai, quand j'ai débarqué dans le métier, quand je disais que je travaillais sur traitement de texte, il me disait, mais c'est le traitement de texte. Écrit le livre à votre place. Ils avaient l'impression que ils ont la vision de l'ordinateur des livres de science-fiction des années 50. Qui générait le texte. Qui générait le texte. Et moi, j'aurais juste dit, c'est plus rapide. Il suffit d'apprendre à taper à la machine. Et à un moment, la pensée se projette directement dessus. Ce qui est quand même difficile à voir, même avec la machine à écrire mécanique. Alors, vous qui avez. Moi, j'aime bien les nouvelles technologies. Oui. Alors, le fait que les candidats à la Maison-Blanche s'expriment beaucoup et misent beaucoup sur même Snapchat, qui est une application de vidéos qui vont de 1 à 10 secondes, on peut quasiment rien dire. Alors c'est évidemment pour toucher les plus jeunes hein, de 18 et qui s'effacent assez vite. Exactement. Le message ne reste pas. Vous pratiquez Snapchat? Non, mais je sais que Snapchat a réussi a été obligé de faire en sorte de garder l'historique quelque part des messages qui étaient envoyés parce que c'était illégal quasiment. Alors Rand Paul par exemple utilise Snapchat pour les toucher les 18-24 ans et c'est vrai que Barack Obama avait engrangé beaucoup de voix chez les jeunes en faisant une campagne notamment sur Twitter etc. Vous de quel œil vous voyez ça? Vous aimez les nouvelles technologies donc Alors, même si ça s'adapte au discours politique. Mais je trouve que quand on a un programme à donner, il doit être un peu complexe, donc ça va pas être en sans caractère, je crois que c'est le truc de Twitter, ou quelques secondes pour le Snapchat, qu'on va pouvoir arriver à le transmettre. Si ça continue, on va bientôt avoir qu'un mot. C'est-à-dire, on met un seul mot, et puis ça signifie toute la politique. Bah, trois, votez pour moi. Voilà. Mais, c'est catastrophique. On dirait que les gens n'arrivent plus à parler, ils n'arrivent plus à développer une pensée, ou en tout cas, une fois qu'ils la développent, ils veulent aller très très vite au résumé pour être sûr d'être compris par tout le monde. Du coup, on va tomber sur des politiques simplistes. Avec des textes simplistes et des messages simplistes, on va tomber sur la politique simpliste. Le blog serait peut-être plus adapté parce qu'on peut beaucoup plus aller dans le fond des choses. Il n'y a pas de longue longueur, enfin pour la compréhension, oui, mais parce que moi, je vois, vos livres sont quand même assez épais, donc vous avez envie de développer votre propos. Moi, j'y arrive maintenant assez bien sur Facebook. Je trouve Facebook, c'est la bonne taille. Je dois avoir 130 000 followers sur Facebook. J'ai l'impression d'avoir une petite famille auquel je peux, avec laquelle je peux communiquer et avec laquelle je me sens encore dans une ambiance familiale. C'est si vrai vous déménagez, ils seront plus que 4. Hein. C'est pas des vrais amis. Mais il y a quelque chose d'important pour un écrivain d'avoir un feedback. Avant, je pense les anciens auteurs, quand ils faisaient un livre, ils savaient pas en fait si ça plaisait au lecteur. Moi, je tiens compte énormément du feedback des lecteurs. Comme ça me permet de rectifier le tir au cas où c'est pas plu ou il y a des choses qui est plu sur le prochain livre. Et cette interactivité me semble très très intéressante et précieuse. Il faut savoir pour qui on écrit. Il faut savoir qui sont ces personnes qui entrent dans une librairie, qui sortent 20 euros et qui vont passer 7 à 8 heures à lire ce qui arrive à vos personnages. Et si on se détache de ça, on se détache ses lecteurs, en fait, on perd tout. Il faut retrouver ce aspect-là. Et en fait, un livre, c'est un divertissement et c'est fait pour faire plaisir au lecteur. Il ne faut pas l'oublier. Bernard Werber est avec nous. Et des retours sur Facebook, on en a beaucoup de la part des auditeurs énorme, pour Thomas VDB. Les gens adorent le jingle essentiellement. Évidemment, puisqu'on les connaît, les fous d'Actualizic. Actualizic, tu perds ton sang-froid. Un mélange d'actualité et de musique. Actualizic, c'est la meilleure rubrique de France Inter. Des fois c'est le lundi, parfois c'est le vendredi. C'est le vendredi. Faut le voir aussi en vidéo, hein, je vous le conseille. Actualizic. J'avais prévu d'en faire plus, voilà. Mais on va couper parce que je vois que ça vient un record peu battu. Record longue de 43 secondes. De longueur de jingle. Chronique. Une chronique très très courte qui va faire que 4 secondes. Bonjour à tous et merci de m'avoir écouté. Alors cette semaine, j'ai découvert les résultats d'une étude. Et j'ai d'ailleurs découvert que les résultats de cette étude avaient été communiqués il y a environ 3 mois. Donc je suis un peu en retard, mais c'est pas grave, ça compte quand même, comme de l'actualisique. Alors, eh bien, un chercheur hollandais, en neurosciences, figurez-vous, a prouvé scientifiquement que certaines chansons, comme par exemple Dancing Queen de ABBA ou Don't Stop Me Now de Queen, nous mettent naturellement de bonne humeur. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que la musique, les musiques, ont cette capacité à nous mettre dans plein d'états différents. Hein, on écoute Still Loving You de Scorpion, ça évoque la tristesse. Hein, on écoute un disque de Patrick Sébastien, ça évoque... la perplexité, hein, antisocial de Truss qu'on écoutait à l'instant, ça évoque la colère. Hein, je sais pas d'ailleurs si c'est possible d'avoir plus l'impression de se faire engueuler en musique qu'en écoutant un disque de Truss. Eh bien là, c'est prouvé scientifiquement, ça nous met de bonne humeur d'écouter Queen. Et c'est ça, je me dis, qui est fou avec la science. C'est que par exemple, on n'a pas encore le vaccin contre le sida ou contre Ebola. Par contre, grâce à elle, c'est confirmé qu'il y a des chansons d'ABBA ou de Queen qui nous mettent de bonne humeur. Hein, je pense que le médecin qui va voir un mourant à l'hôpital et lui dit, alors on n'a pas trouvé de remède pour votre maladie, du coup il vous reste 3 jours à vivre. Par contre, c'est rien, mais j'ai apporté une clé USB avec des morceaux. C'est un pote qui a fait une étude là-dessus. Normalement, vous ne devriez pas passer 3 derniers jours complètement dégueulasse. Hein, évidemment, voilà, ce sont des morceaux qui mettent de bonne humeur, mais c'est relatif aux conditions dans lesquelles on écoute le morceau. Hein, Dancing Queen de ABBA dans une crémation, voilà, je pense que c'est dur d'arracher un sourire à quelqu'un. Donc le chercheur hollandais, il s'appelle Jacob Gill et il était dans son laboratoire, il a donc fait des recherches sur les chansons. Donc je me demande évidemment déjà quels sont les outils dont tu as besoin dans un laboratoire pour faire de la recherche comme ça. Le mec il dit, tiens, je vais passer ce disque de ABBA au bec benzène. Voilà, peut-être je mettrai après dans un tube à essai avec du sulfate de cuivre. Et les ingrédients, on a-t-il conclu, qui composent une chanson qui met de bonne humeur, sont donc pour lui 150 battements par minute, des accords majeurs et surtout bien sûr des paroles positives. Si vous prenez par exemple Don't Stop Me Now de Queen, les paroles sont hyper positives. Faites bien attention aux paroles, je vais vous la chanter en français pour que vous vous rendiez bien compte. Ne m'arrête pas maintenant, je passe un bon moment, je m'éclate. Ne m'arrête pas maintenant, si tu veux passer un bon moment, tu n'as qu'à m'appeler. Voilà, alors pour être, attention, je n'ai pas dit que je serais toujours juste quand je la chanterai. Non, c'est vrai. C'est pourtant, c'est le contenu. Alors voilà, on a compris que c'était très positif. Maintenant, pour être un petit peu connaisseur de la carrière de Freddie Mercury, il faut savoir que cette chanson date de 1978, qui est pile l'année pendant laquelle le chanteur a son nez qui est tombé vraiment en plein dans la drogue. Voilà, donc pour je pense que pour être précis, le chercheur aurait peut-être dû préciser des paroles positives, 150 battements par minute, des accords majeurs et aussi un gramme de colombienne pure. Alors, moi, je suis pas musicien ni chercheur, mais quand même spécialiste en actualisique, les gens le savent, et c'est pourquoi, pour terminer, eh bien, je me propose d'offrir un peu de bonne humeur à nos auditeurs en chantant une chanson qui correspond à ces trois critères. Alors, la première qui m'est venue en préparant la chronique, c'est une chanson de Colo, c'est Chauffeur si t'es champion, qui met quand même, excusez-moi, mais de très très bonne humeur. C'est vrai. Mais donc, pour réunir les conditions de la bonne humeur, je vais donc obliger d'accélérer le tempo à environ 150 BPM, c'est environ ça. Allez, on y va. Là, vous sentez, je pense, la bonne humeur quand même. Chauffeur, si t'es champion, vous sentez la bonne humeur. Appuie, appuie. Vous êtes sur France Inter, je rappelle. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. En avant la bonne humeur, on l'a passé au cran supérieur. Merci à tous. Merci, Thomas VDB. Bah, quelle bonne humeur il dégage, Thomas VDB. Sur Rire France Inter. Accident de voiture, oui. Après cette rubrique. Probablement. C'est vrai. À cette heure-ci, sur France Inter, beaucoup d'auditeurs nous écoutent dans la voiture. Dans les bouchons, donc ils ne peuvent pas appuyer sur le champignon, mais donc oui. Tout va bien. Il y aura des survivants. Allez, nous aussi, on appuie sur le champignon pour passer au troisième sujet. Les Français ont un déficit de sommeil de 6 heures par semaine. C'est une nouvelle étude qui a été publiée vendredi et qui montre aussi que les femmes ont besoin de plus de sommeil que les hommes. Bernard Werber fait oui avec la tête. Oui. Parce que notre quand cerveau... Quand j'étais femme, j'avais besoin de plus de sommeil. Notre cerveau, à nous, les femmes, fait plus de tâches en même temps. Ben voilà la preuve. Alors Bernard, je te préviens, je ne pars pas en vacances dans ces conditions. Non, j'en ai trop marre. J'en ai marre, marre, marre. Mais nom de Dieu, si tu es si fort pour l'organisation, mais organise-la toi-même, cette famille. Organise-la, ce voyage. C'est facile de critiquer quand on fout rien et qu'on se radine au dernier moment. Je ne me radine pas au dernier moment, j'étais allé chercher du liquide à la banque. Qui c'est qui les a vérifiés, les valoches, les skis, les anoraks, les pulls? Qui c'est qui s'est tapé quatre machines à laver hier, à faire sécher, à repasser? Qui c'est qui a pensé aux livres de classe, pour les devoirs de vacances, aux provisions pour le voyage, à défriser le frigo, à vider les poubelles, à prendre une trousse de première urgence? Hélène, je t'interdis de jouer avec la trousse de médicaments. Elle est là, maman, elle est là. J'en ai ma claque. Foutez-moi le camp. Regardez-vous sans moi. Je reste ici. Voilà pourquoi on a besoin de sommeil, de plus de sommeil que les hommes. C'est un extrait de la crise. Alors, il y a donc une étude de plus sur le sommeil. Les Français manquent de 6 heures de sommeil par semaine, 2 semaines par an, si on totalise le tout. Le sommeil, c'est le sujet de votre dernier roman. Le sixième sommeil paru chez Albin Michel, c'est vraiment un sujet de préoccupation des Français, très fort. Il paraît que c'est une des premières recherches sur Google. Oui, et dans l'étude qui vient de sortir, que vous évoquez, ils sont aperçus qu'un Français sur 10 raconte s'être endormi au volant. Ce qui est quand même un problème. C'est-à-dire que quand vous roulez, il y a peut-être des gens qui dorment dans leur voiture du fait de l'autoroute. Thomas VDB les a réveillés tout à l'heure. Hein, donc ça, il n'y a pas de problème. J'espère. Est-ce qu'il y a un marché, vous qui avez beaucoup, c'est très documenté, votre roman, vous documentez toujours vraiment énormément. Donc, vous avez pu remarquer qu'il y avait une sorte de marché des études sur le sommeil? Oui, alors, il y en a énormément et qu'il faut faire le tri. Déjà, il faut savoir qu'en France, c'est le pays où on consomme le plus de somnifères. Et si je peux donner un conseil, surtout ne prenez pas de somnifères parce que ça détruit les rêves. Mmh. Cherchez plutôt le sixième sommeil. Voilà. Ce qui est important, c'est de précisément avoir le maximum de temps rêvé. Parce que quand on rêve, en fait, on se ressource. Et en plus, on se déprogramme de toutes les conneries qu'on a entendues dans la journée. Si vous ne rêvez pas, vous restez conditionnable par les autres. Mais le rêve, c'est l'endroit, en fait, où on prend de la force et on se rappelle qui on est. Et les gens, quand ils rêvent pas, bah, ils deviennent des loques et après, on va vers la dépression. Donc il y a vraiment une implication sociale du sommeil. Énorme. C'est-à-dire, cette étude qui dit le Français manque de 6 heures par semaine au travail et que la femme en manque encore plus, il y a vraiment des conséquences sociales, quoi. Le pays irait mieux si on dormait mieux, quoi. C'est un peu ça. Ben, on irait tous mieux si on dormait mieux, mais le rêve a une fonction aussi pour nous aider dans la vie. Par exemple, on s'est aperçu que toutes les femmes enceintes rêvaient qu'elles perdaient leur enfant et on se demandait pourquoi il y avait ce cauchemar récurrent chez tous les peuples. Et en fait, c'est pour les préparer au cas où ça arrive émotionnellement afin qu'il n'y ait pas une chute trop forte. Et moi, je me rappelle quand j'étais jeune, bon, j'étais pas enceinte, mais quand je passais des examens, chaque fois que je passais un examen, le bac ou quoi que ce soit, je rêvais que je le ratais. Et dès le moment où je le ratais, c'est comme si c'était acquis, cette expérience est acquise et j'étais prêt à faire l'examen. Et du coup, j'en ai raté quelques-uns, c'est vrai. Et ça fait partie d'une phase. Mais ça nous prépare émotionnellement à vivre des choses. Je crois que c'est un endroit où, grâce actuellement aux recherches sur le cerveau, on va pouvoir bientôt arriver à réduire le temps de sommeil. C'est-à-dire, je pense que l'homme du futur pourra dormir que 3 heures et récupérer. Il y aura peut-être aussi un apprentissage de la sieste. Et surtout, cette découverte, ce que j'appelle le sixième sommeil, c'est-à-dire d'un état qui est pratiquement le nirvana ou la transe, dans lequel on peut, rien qu'en dormant, s'apporter des satisfactions supérieures à celles de Queen avec les produits extérieurs. Et là, on va ouvrir une voie toute nouvelle au rêve et au sommeil. Et rêver, c'est peut-être aller dans la fiction. Ah, je vous donne un rôle. L'aventure rigolote. C'est la règle de fin d'émission. C'est un, voilà. Vous avez le rôle de Jean-Christophe Cambadélis, si vous l'acceptez, parce que c'est une info qui nous vient du Parisien. Il est chaud pour son référendum sur l'unité de la gauche. Il est prêt à tout. Il aurait même envoyé un message vocal préenregistré sur les portables des gens importants du PS. Nous étions avec ses conseillers le jour de l'enregistrement. Vous êtes Jean-Christophe Cambadélis. Okay. Guillaume Meurice et Hippolyte Girardot sont vos conseillers. On y va. Voilà, Monsieur Cambadélis, quand vous êtes prêt pour le message aux militants, on y va. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée cet appel téléphonique ? Ah oui, sûr, c'est bon. Non, parce que les Américains, ils sont sur Snapchat. Oui, non, mais justement, c'est trop moderne, ça va pas avec notre image. Quelle image ? Bah, le socialisme. Ah ouais. Bah, oui. Bon, allez, Jean-Christophe, on y va, on enregistre. Mais je ne sais pas faire ça avec mon portable. Mais on va pas faire ça avec votre portable. Non, vous enregistrez, et puis nous, on envoie à tout le monde en numéro masqué. Pourquoi en numéro masqué ? Enfin, quand ils voient que c'est nous, les gens décrochent plus. Bah, vous n'avez pas tort. Bon, allez, j'y vais. Vous pouvez y aller. Bonjour, c'est Jean-Christophe Cambadélis. Non, ça va pas, non, excusez-moi, c'est pas très sexy ça comme début. Je t'appelle car la gauche a besoin de s'unifier. Ça c'est bien par contre, hein, le tutoiement, c'est très bien. D'être forte lors des prochaines élections régionales. L'enjeu est clair, c'est excellent. Okay. Stop, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi ? Non, bah oui, enfin, non, c'est la musique, c'est pas assez racoleur. Exact, ouais. J'ai mieux si tu veux. Ça, formidable, continue JC, continue. Unissons-nous pour le bien de la République. Sois plus sensuel. Votons pour une liste commune. Voilà. Et pour ceux qui cherchent un peu de lecture, mon livre est toujours disponible chez votre libraire préféré. Stop, on arrête tout. Chez votre libraire préféré. Non, non, on n'est pas là pour vendre votre bouquin, JC, là. Non. Non, mais c'est qu'il me reste pas mal. J'en ai vendu que 330 exemplaires. Vous voulez que je vous en offre un ? Non, ça va. C'est bon. Franchement, c'est pas moins bien écrit que Bernard Werber. Ah, mais vous pouvez pas comparer, hein. Bernard Werber, c'est de la science-fiction. Bah, moi aussi, c'est mon programme. Ouais, en tout cas, on a bien fait de les fusionner, toutes ces régions-là. Hein. Ah bon ? Pourquoi ? Bah, comme ça, aux élections, on en perdra moins. Il y a beaucoup plus d'exemplaires qui vous attendent du dernier roman de Bernard Werber, Le sixième sommeil, roman paru chez Albin Michel. Merci beaucoup Bernard Werber d'avoir passé cette heure avec nous. On va laisser le mot de la fin à Manuel Valls, lui dédié en tout cas, Manuel Valls qui pour des raisons économiques se fond dans le désert d'Arabie Saoudite. Si les Chinois débarquaient, ils seraient mandarins. Si les nègres prenaient le pouvoir, ils se mettraient un os dans le nez. Si les Grecs... Oui, enfin, passons.